soleil va se perdre à l'horizon. Tous nos souvenirs me font souffrir encore. Et le soir dans l'ombre de notre maison, j'ai besoin de sentir tes